neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro Lapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Bistro Lapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistro Lapinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Radio Air Libre pour cette émission de la Distro Lapinothèque du mois de septembre 2022. La Distro Lapinothèque, c'est donc, pour un petit rappel, une table mobile distro lors de vos concerts, rencontres, conférences ponctuelles, mais c'est aussi tous les derniers mercredis du mois à 20h30 et en rediffusion les vendredis qui suivent à 21h sur les ondes de Radio Air Libre 87.7. Alors c'est aussi jusqu'au mois de décembre 2022 une permanence les derniers vendredis de chaque mois. Donc ce vendredi 30 septembre au local du Zottemorgen de 18h à 21h. Alors pour le programme de cette émission, qui sera donc rediffusée ce vendredi 30 septembre aussi à 21h, vous aurez en premier lieu ma présentation de la deuxième partie du livre que j'ai enfin terminé et qui s'appelle « Pour un anarchisme révolutionnaire ». Il a été écrit par le collectif Mur par Mur aux éditions de l'Échappée en 2021. Ensuite, Dylan vous présentera « Ni web, ni master », une BD de David Snug sortie aux éditions Nada en 2022. Alors il s'agit d'une petite histoire d'internet, d'application, de data center, de contrôle de données, et tout ça mis en musique avec les Trotsky Nautiques, qui n'est rien d'autre que le groupe de David Snug lui-même. Alors les titres seront ceux-ci, il y aura Ouverture du festival, Le conseil du libraire et Asylum. Alors ça risque d'être très rigolo, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène, mais voilà, on risque de se payer une bonne tronche. Et pour terminer cette émission, Titi vous présentera un livre intitulé « Cara Cremada, sur les sentiers de la guérilla en Espagne 1945-1963 ». Ce livre est paru aux éditions Tumult à l'automne 2021. Alors Titi vous emmènera sur les sentiers sinueux de la guérilla anarchiste en Espagne entre 1945 et 1963, une lutte intransigeante contre la dictature du général Franco et pour la révolution. Alors ne ratez pas le concours de cette fin de présentation où vous pourrez ainsi gagner le livre présenté par Titi. En guise d'introduction à ma présentation, je vous propose d'écouter un petit témoignage de Blanche Gardin autour de sa propre déconstruction et aussi sur l'appropriation culturelle qui est tant et tant d'actualité. Vous écouterez aussi, tout au long de ma présentation, des morceaux de musique d'un chouette petit groupe qui s'appelle Ultramoderne. Très bonne soirée. Salut mes louves. Oui, exactement. En retour de Cercle de Femmes. Donc encore un peu aïe du Cercle de Femmes. Ça a été hyper intense. J'étais avec des femmes super inspirantes. C'était vraiment exactement ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire de la paix intérieure. Surtout que j'ai été pas mal secouée dernièrement, mais dans le sens positif du terme, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je vous avais raconté dans un précédent live que j'avais envoyé une mèche de cheveux dans un laboratoire qui analyse l'ADN et qui vous dit en fait qui sont vos ancêtres. Et j'ai découvert à cette occasion, mais c'était pas la surprise totale parce que j'en avais déjà l'intuition, que j'avais des origines navarro. Et ça m'a pas vraiment étonnée parce que quand j'étais petite, tout le monde me prenait pour une espagnole dès que le soleil pointait son nez parce que j'ai une façon de bronzer qui est on me prend pour une indienne espagnole et donc j'étais pas vraiment étonnée en fait du résultat des tests et je vous mettrai également d'ailleurs dans le feed le lien du labo que je trouve assez extraordinaire. Il s'appelle DNA Ancestors et c'est en Californie. Le sujet que je voulais aborder aussi, c'était évidemment le sujet de l'appropriation culturelle parce que très vite, j'ai posté des objets rituels navarro sur mon Insta et très vite, j'ai eu des réactions de la part d'hommes d'ailleurs. Un petit peu dans le jugement où tout de suite on m'a dit attention, pardon, mais ce sont des objets d'une culture spécifique et tu n'as pas à te les approprier. Et en fait, j'ai réfléchi à ça et soyez rassurés, toutes les personnes qui étaient un petit peu offensées par ça, bien sûr que c'est uniquement parce que j'ai des gènes navarro que je me permets de le faire, évidemment. Ouais. Oui, je vois ton émoji. Tu me diras comment on chope cet émoji, je l'adore. Anarchisme révolutionnaire, collectif mur par mur, édition de l'échappée 2021. Deuxième partie. Alors souvenez-vous, je vous ai présenté la première partie de l'ouvrage en juin 2022, il y a donc 3 mois. Je lis tellement lentement, je lis tellement de livres à la fois qu'il m'arrive de rester souvent sur un livre plus de 6 mois. Au-delà, en général, je l'oublie. Mais pourtant, ce livre, bien que ressemblant à une énorme brique, je l'ai terminé ce matin. Alors je me rends compte qu'il contient une synthèse très élaborée de pas mal de mes préoccupations. Si vous vous souvenez, dans la première partie, l'auteur part du constat que l'anarchisme s'est métamorphosé. Alors loin de vouloir idéaliser une vision d'un anarchisme qui serait univoque dans le passé, qui n'a par ailleurs jamais existé, qui s'est toujours confronté à ses propres contradictions et ses multiples interprétations, interprétations qui oscillent entre les individualistes autonomes, les communistes autoritaires, tout en intégrant toutes les graduations intermédiaires possibles. En fait, l'auteur, les auteurs, l'autrice fait simplement le constat de l'émergence aujourd'hui d'une nouvelle branche de l'anarchisme qu'il nomme le post-anarchisme. Alors je vous propose, je vous repropose, si le sujet vous intéresse, de lire également l'ouvrage de Renaud Garcia, à la Distrola Pinothèque également, qui s'appelle « Le désert de la critique ». Alors je reviens avec ça parce que le collectif d'auteurs de « Pour un anarchisme révolutionnaire » s'y réfère régulièrement. En fait, je reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit dans l'autre émission, mais je tiens quand même à revenir sur la notion de déconstruction à partir d'une question posée dans le livre et que je n'ai pas abordée dans l'émission précédente. Il s'agit de la question de l'éthique. Cette fameuse déconstruction permanente revendiquée par les post-anarchistes, refusant systématiquement d'appartenir à telle ou telle communauté, toujours supposée trop large, trop totalitaire, et qui forcément ne correspond jamais à la réalité de leur vécu individuel, cette impossibilité de faire corps avec un groupe, que veut-elle dire? Ce recours constant à la théorie des micropouvoirs qui hante les post-anarchistes, scrutant en permanence les pouvoirs qui se jouent dans toutes les relations interpersonnelles, dans une quête incessante et autocentrée de leur identité. À quoi et qui cela sert-il? Pourquoi faudrait-il savoir exactement d'où on parle pour savoir si on peut s'exprimer ou non sur un sujet? Parce qu'il s'agit bien de la question de « qui suis-je ?» C'est une question pourtant universelle. Il n'y a pas que les postmodernistes qui s'y cognent. Ce que nous sommes est de fait irréductible à tout énoncé culturel, car toujours imparfait. Les auteurs et les autrices répondent par ce qu'ils appellent la politique du ratage, comme éthique. Alors voici leur proposition. Extrait. Il ne s'agit pas de reculer face à la nécessité d'instituer des significations pour vivre ensemble, mais aussi de refuser que ces significations soient considérées comme autre chose qu'une réponse qui rate, le mieux qu'elle peut. C'est cette prise de position du sujet que l'on peut nommer l'éthique. Elle correspond à un positionnement vis-à-vis du réel, c'est-à-dire vis-à-vis de ce qui se révèle impossible dans ce rapport au langage et à ce qu'on y rencontre. L'éthique est la façon dont un sujet se positionne face à ce qui rend sa réalité réellement impossible. Impossible à dire, à comprendre, à symboliser. L'éthique est convoquée pour chacun lorsqu'il s'agit de se positionner face à un réel auquel on se cogne et qui déchire la réalité, la rendant impossible à vivre. Fin de l'extrait. Je fais ici un petit encart personnel afin d'exprimer ce qui résonne en moi dans ce chapitre du livre et qui met les mots justes sur ce que je ne pouvais énoncer avant de le lire. Alors, en dehors de la question décoloniale de l'identité, je pense à ces personnes qui ne supporte pas des énoncés trop radicaux, accusés d'être trop partiels par ces personnes mêmes qui se positionnent volontiers tels des arbres au milieu du village. Arbres ne pouvant envisager la politique du ratage. Arbres tentant de faire taire au nom de l'objectivité toute proposition trop audacieuse en rétorquant par « Les choses ne sont pas si simples, tu sais. ou « Les choses sont plus complexes que tu ne le crois. » Petite phrase assassine, faisant disparaître le noir et le blanc sous prétexte qu'il y a des nuances de gris. La pauvre complexité ainsi maltraitée, détournée de sa place d'outil d'analyse pour se retrouver malgré elle au service de l'immobilisme généralisé. Il est vrai qu'à trop complexifier, on se trouve incapable de décider, incapable d'agir. À ces personnes-là, je leur rétorque d'agir en tenant compte de la complexité, de l'incertitude, de la partialité, afin de ne pas abandonner l'action. Car c'est un acte politique que d'accepter de favoriser une dimension plutôt qu'une autre. Je ne peux plus me servir de mes mains, j'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand elle change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. J'ai le temps de pleurer dans ses boutons. Ils ont bouffé des mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais taper de mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. C'est ceux qui parlent de la chaîne, qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste, c'est dur la chaîne. Moi maintenant je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je ne puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Je lisais avant, je lui attaque, moi. Maintenant, je n'ai plus envie de lire. Je n'ai plus envie. Le besoin ne se fait plus sentir de lire. Non pas que je connaisse tout au contraire, mais je n'ai plus envie. J'en ai plus besoin. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans, je sais plus, en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais au-delà de l'éthique, revenons à l'ouvrage. Il passe ensuite en revue toute une série de prises de position anarchistes à travers l'histoire, pour tenter de comprendre comment nous en sommes arrivés aujourd'hui à ce fameux post-anarchisme. Il tente de repenser le communisme libertaire autour d'une série de problématiques qui ont traversé le mouvement anarchiste. Si le déconstructionnisme a une grande influence aujourd'hui sur l'anarchisme, il est vrai que les anarchistes n'ont pas attendu les postmodernistes pour mettre en cause certaines tendances au sein de leur propre mouvement. Au sein des communistes libertaires eux-mêmes, par exemple, une tendance très présente à l'origine était de se référer au progrès de la science, en comptant sur la nature humaine qui serait naturellement bonne. Kropotkin et Élisée Reclus pensaient qu'une fois l'abolition de l'État et de la propriété privée devenue effective, la collectivisation des moyens de production et le partage de cette production seraient inévitablement égalitaires, une vision légèrement romantique et abondamment critiquée, et ce dès l'origine du communisme libertaire. Les auteurs et les autrices vont donc mettre en évidence les contradictions au sein du mouvement communiste libertaire et particulièrement concernant la question du productivisme. La fascination technologique de Kropotkin, par exemple, s'est toujours conjuguée à la reprise de catégories proprement capitalistes. Cette tendance culmine aussi chez Murray Bookchin, avec sa fascination techno-industrielle. Or, impossible pour les autrices de mettre en œuvre un communisme libertaire qui prônerait un système de production juste. L'imaginaire du communisme libertaire doit se libérer de son emprise technoscientiste pour trouver sa cohérence. C'est d'ailleurs toujours du dehors de ce qui est inadéquat, inadapté au système, que pourra se construire d'autres rapports sociaux entre personnes, entre pratiques, entre faire, dans une fédération qui tissera les liens entre des personnes qui partageront leur quotidien. Ce livre est un essai sur ce qui serait, pourrait être aujourd'hui, débarrassé de toutes ces contradictions, le communisme libertaire comme une proposition anti-autoritaire intégrant l'étrangeté et la possibilité de sa propre révision. Sur internet, colle-toi dans ton canapé avec ta tablette. Ce week-end, c'est la fête dans ton internet. Mets-toi en slip, ouvre une canette. Aïe, ça commence le festival sur internet. Colle-toi dans ton canapé avec ta tablette. Ce week-end, c'est salut, la bonsoir. Fête dans ton internet. Moi, je vais vous présenter Ni Web Ni Master de David Snug aux éditions Nada. C'est une BD que j'ai découvert cet été. Ça parle de technologie, d'application, c'est plutôt drôle et critique. Dans la BD, c'est la rencontre entre deux personnages. Ça se passe aujourd'hui, en 2022. Ces deux personnages, c'est un mec qui a la petite cinquantaine et qui vit une vie normale. Et puis, un autre personnage jeune, qui a une quinzaine d'années et qui vient de l'année 1989. En fait, il connaît pas, il est venu du passé, quoi. Donc, il sait pas ce qui s'est passé entre 89 et 2022. Ce personnage, c'est, enfin, ces deux personnages, c'est la même personne. C'est David Snug qui se rencontre plus âgé, quoi. Et le personnage plus jeune questionne le fonctionnement, surtout des applications aujourd'hui. Comment elles sont nées, les conditions de production, les conditions de travail qui sont derrière et les intérêts capitalistes qui s'en dégagent. Tout ça, c'est rempli d'humour et de dérision. C'est difficile à raconter comme ça parce qu'il y a aussi les dessins de la BD qui sont super. Et cette forme d'écriture de la BD, avec ce personnage jeune, un peu naïf, vient du passé, ça permet de prendre distance sur notre rapport à la technologie. Ça donne un effet saisissant et ça permet de prendre du recul sur nos habitudes. C'est une pirouette qui permet de confronter le lecteur au fonctionnement du monde moderne, au smartphone et aux nombreuses applications quasiment essentielles que nous utilisons pour la plupart tous les jours, aujourd'hui juste pour communiquer, pour travailler, pour se déplacer, pour manger, pour vivre, quoi. Un truc que j'ai appris dans la BD, par exemple, c'est l'histoire du peer-to-peer. Peut-être que ça paraît évident pour tout le monde, mais bon, voilà, je vous la raconte quand même. À un moment, ils sont à deux, et puis il y a le plus jeune qui lui dit « Vas-y, on aurait qu'à se mettre une cassette pour écouter de la musique. » Et puis l'autre plus âgé, il dit « Bah, non, laisse tomber, il n'y a plus de cassettes aujourd'hui. Il y a encore des gens qui ont des vinyles, mais c'est bizarre d'ailleurs, parce que ça prend plein de place. C'est juste pour faire chier leurs potes quand ils déménagent. » Et il dit « Bah non, il y a Spotify. » Et le jeune, il dit « C'est quoi Spotify ?» Puis du coup, ça permet de raconter l'histoire de Spotify, que j'essaie de vous raconter en deux mots comme ça, vite fait. Mais... Donc ça vient du peer-to-peer. À la base, le peer-to-peer, c'est tous les sites de Napster, Emule, etc., où on pouvait se partager de la musique dans les années 90-2000. Et en gros, tout le monde était serveur, quoi. Chaque personne qui avait un ordi avait sa musique sur ses dossiers et pouvait la partager avec tout le monde. Et en fait, lui, il défend que à ce moment-là, bah, c'était l'explosion de la musique dans tous les sens, tout le monde qui se la partageait, et que en fait, ça pouvait même aider les groupes do it yourself qui tournaient sur la petite scène hardcore punk, etc., qui juste avant d'arriver, ben en fait, les gens pouvaient facilement s'échanger la musique et écouter tous les albums et aller au concert en sachant un petit peu ce qu'ils allaient voir. Lui, il défend qu'aujourd'hui, c'est plus complexe ce truc-là. C'est plus complexe ce truc-là, notamment parce que le peer-to-peer, il a disparu avec l'arrivée du smartphone. Parce que avec le smartphone, ben, en fait, les gens se sont... Le smartphone ne sait pas trop faire ce truc de télécharger la musique directement. Et donc, en fait, au début du smartphone, les gens écoutaient plus la radio que de la musique qu'ils avaient téléchargée sur leur ordi pour après la faire passer de leur ordi à leur smartphone. Pour le faire avec mon MP3, c'est vrai que c'est un peu chiant. Et donc, les créateurs de Spotify se sont rendus compte de ça et se sont dit, on n'aurait qu'à centraliser toute la musique sur un seul serveur et la vendre, comme ça on se ferait plein de thunes. Et puis les gens, ils auraient qu'à... C'est plus facile, quoi. Ils n'ont pas à aller à télécharger, on fait un seul système de production de musique centralisé. Puis ça a aussi disparu parce que des gros groupes comme Metallica ont fait des procès à des plateformes comme Napster, etc. Et les ont gagnés. Et donc... C'est là que j'ai appris que la seule plateforme de peer-to-peer qui existe encore aujourd'hui, c'est Soulseek. Je vous la conseille, ça marche très bien. Le client pour Linux, etc., c'est Nicotine. Il y a même moyen de l'installer sur les smartphones avec Seeker. Voilà, si ça vous intéresse. Sur ce, un petit morceau. Au milieu des vieux. croire que plus personne n'en a plus rien à foutre de rien. Alors cette révolution ? Un échec. Les gens étaient scotchés à leur smartphone, ils ne m'ont même pas écouté. C'est parce que la révolution, ça ne se fait plus dans la rue. Pour s'indigner, il faut aller sur Facebook. C'est quoi Facebook ? C'est un réseau social. C'est quoi un réseau social ? C'est une appli pour s'indigner. Regarde, c'est très simple. Il suffit de t'inscrire sur Facebook. Ensuite, tu invites des gens qui sont aussi sur Facebook à devenir tes amis. Et après, tu publies ce que tu veux sur ton mur. Par exemple, tu peux poster tes photos de vacances ou une BD satirique contre la société de consommation. Tu peux même t'indigner en partageant un article qui dénonce les conditions de travail des livreurs Deliveroo. Et si tes amis sont indignés par l'article que tu as partagé, ils pourront eux aussi le partager sur leur mur afin que d'autres personnes indignées le partagent à leur tour. Waouh, c'est génial! Je vais partager illico un article sur Facebook pour dénoncer les conditions de travail des livreurs Deliveroo. Tout le monde va s'indigner et descendre dans la rue pour faire la révolution. Et après, on vivra dans une société autogestionnaire où le travail ne sera plus syndrome, synonyme d'exploitation, mais d'épanouissement personnel et d'amélioration de la vie en collectivité. Dans l'absolu, ça devrait se passer comme ça. Le seul problème, c'est les vidéos de chatons. C'est quoi les vidéos de chatons ? Ben, c'est des vidéos avec des chatons. T'auras beau partager ce que tu veux sur Facebook et susciter l'indignation de tes amis, ils finiront toujours par tomber sur une vidéo de chaton mignon qui leur fera immédiatement oublier leur indignation. Le conseil du libraire, c'est moins précis qu'un algorithme. L'algorithme, il connaît vachement bien tes goûts tout pourris. En plus, tu n'as pas honte de les partager avec lui. Par contre, le libraire, il te file des marque-pages gratuits. Voilà, moi cette BD elle m'a beaucoup plu, elle est très agréable à lire, elle est drôle, on n'a pas envie de la finir. C'est parfois un peu flippant et absurde, mais ça nous rappelle aussi que tout n'a pas toujours été comme ça, et que c'était il n'y a pas si longtemps en fait. Je vous la conseille vivement. A plus, bonne soirée. Oui. On vient de s'écouter The Upshighter avec le titre Kiko Sabaté, groupe au style musical early reggae électro-dub sur la thématique des maquisards anarchistes, sorte d'ovni certainement pour ce groupe. Allez, c'est pour changer un peu des classiques chants révolutionnaires de 36. En parlant de classiques, en voilà une. Le 28 avril 1946, un groupe de 6 combattants libertaires partit de Costouge dans le Vallespir. Leur mission avait été planifiée par l'organisation, introduire des armes à Barcelone et éliminer le mouchard Elisio Melis Diez, soupçonné d'être responsable de la désarticulation de l'organisation clandestine de la CNT. L'expédition était composée de compagnons bien entraînés au combat, tous des vieux de la vieille, El Kiko Sabaté, Ramon Villa Capdevilla, Antonio Malpica Ramos, un type costaud et courageux, originaire de Cerrón, province d'Almeria. José Guay, dit José, et Aurelio Martí. Après avoir franchi la frontière, ils déposèrent dans un lieu convenu du territoire espagnol la majeure partie du matériel. 2 valises contenant des mitraillettes, des munitions et des explosifs. Une personne de confiance devait se charger plus tard du transfert jusqu'à Bagnolès, dans la province de Gérone. Les 6 compagnons devaient d'ailleurs s'y disperser et se réunir une fois arrivés à Barcelone. Le 25 avril, Antonio Malpica, José et Martí prirent l'omnibus du matin pour Gérone. Ramon Villa et José Guay devaient emprunter celui-là de l'après-midi et Sabaté attendre le lendemain pour convoyer le matériel en camion jusqu'à la capitale catalane. L'omnibus de l'après-midi partait de Bagnolès à 2h. C'était jour de marché et tous les villages des environs s'y étaient donné rendez-vous. Conditions très favorables pour qui voulait passer inaperçu. Après le déjeuner, les 3 amis sortirent de l'auberge où ils avaient logé. Sabaté, en grande discussion avec José Guay, Ramon Villas qui suivait à faible distance. Ils se dirigèrent vers l'arrêt des autocars. On ne sait trop pourquoi, 2 gardes civils s'approchèrent des 2 premiers et leur demandèrent leurs papiers. Sans doute, les cartes d'identité délivrées à Logrone et présentées par des hommes au fort accent catalan intriguèrent-ils les gardes. Toujours est-il qu'ils leur demandaient de les suivre. Sabaté commença à protester. Ramon était resté en retrait et observait. La scène avait provoqué un début d'attroupement. Un des gardes, soit par nervosité, soit par désir de faire acte d'autorité, dégaina. Ramon, qui n'avait pas relâché sa vigilance une seconde, s'approcha très vite, écartant les badauds, et fit feu, tuant net le garde José Godó García. Son collègue, celui qui s'était contenté de parler, n'eut pas le temps de revenir de sa surprise. Les gueules des 3 pistolets le menaçaient. Il fut désarmé et invité à déguerpir, ce qu'il fit sans demander son reste. Le vent de panique qui souffla alors sur le marché permit aux 3 hommes de s'éclipser en douceur. C'était bien Ramon Villas qui avait tiré sur le garde et non Sabaté, comme se plut à l'écrire la presse de l'époque. Le garde, miraculeusement épargné, aurait pu apporter un témoignage irréfutable, mais il était sans doute plus prestigieux d'avoir eu affaire à El Kiko. Ramon Villas et José Guay partirent dans les montagnes pour se cacher. Avec 1000 précautions, Sabaté retourna à l'auberge où se trouvaient les 2 grandes valises dont il était responsable. Il prit une mitraillette, des chargeurs et dissimula le reste du matériel sous un tas de fumier dans l'arrière-cour de l'auberge, là où les marchands forains remissaient leurs voitures et leurs chevaux. Il quitta les lieux à la nuit et se réfugia dans une maison amie à Bagnolès, qui comptait alors tout au plus 6000 habitants. La ville fut le théâtre d'une activité débordante de la part de la police et de la Guardia Civil. Fouille au corps, en pleine rue, perquisition, patrouille, sur les routes et les chemins. La Guardia Civil était bien décidée à venger l'un des siens. Sabaté passa entre les mailles du filet, grâce à une ruse qui, l'avoua plus tard, lui avait valu la plus belle peur de sa vie. La femme qui l'avait hébergé pour la nuit lui prêta des habits de paysan, Une houe est sortie avec lui portant un panier de légumes au fond duquel se trouvait la mitraillette. Le couple franchit sans encombre les barrages de police et sortit tranquillement du village. Ce qui vient d'être lu provient du livre « Caracamada sur les sentiers de la guérilla en Espagne, 1945-1963 », paru aux éditions Tumulte à l'automne 2021. Ce livre nous parle d'un certain Ramón Villa Capdevila, surnommé Caracremada, traduit littéralement par « tête brûlée », surnom qui lui vient d'un incident domestique quand il était petit, où suite à la foudre qui s'abattut sur le foyer familial et où la maison prit feu, une de ses sœurs y perdit la vie. Quant à Ramón Capdevila, il sera brûlé au visage ainsi qu'à la main, d'où le surnom de Caracremada. La famille habitait dans les montagnes du côté des Pyrénées-Orientales, dans la comarque de Berga. On vous emmène donc sur les sentiers sinueux de la guérilla anarchiste en Espagne entre 45 et 63. Mais avant ça, on s'écoute le mythique groupe anarcho-punk Sin Dios avec le titre 1936 El pueblo en armas. We'll be right back. Obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Ramón Villa Capdevila, dont le surnom est Cara Quemada, est né en 1908. Très jeune, il adhère à la CNT, syndicat anarcho-syndicaliste. Orphelin à l'âge de 12 ans, il avait commencé à travailler dans une usine de textile à Puebla de Lillette. Le 18 avril 1936, à Castellón de la Plana, deux policiers avaient tenté de l'arrêter avec son cousin Ramón Rives Capdevila. Dans l'échange de coups de feu, Ramón Rives et un des policiers avaient été tués, tandis que l'autre policier était blessé. Cara Quemada, traqué et encerclé, se rendit après avoir épuisé ses munitions. Emprisonné, il fut libéré le 19 juillet 1936 par l'insurrection ouvrière qui était en réaction au coup d'état militaire du général Franco. Cara Quemada participa à la révolution en cours et il s'intégra comme milicien dans la colonne Tierra y Libertad jusqu'à la militarisation de celle-ci. À la fin de la révolution, il s'était réfugié en France lors de l'exil et avait été interné au camp d'Argelès-sur-Mer. Du même camp de réfugiés, il s'évada en 1940 pour retourner en France et y organiser les premiers groupes d'action armée contre le franquisme. En 1942, lors d'un voyage entre l'Espagne et la France, il fut arrêté sans papier et interné à la citadelle de Perpignan, où il resta quelques mois avant d'être enrôlé dans l'organisation TOD. Il fut envoyé dans les mines de bauxite dans l'Hérault. En contact avec la résistance et après s'être évadé de la mine, Cara Quemada s'intégra en février 1944 au maquis du Limousin, et plus précisément au réseau Ménessier. On ne s'étendra pas plus sur cette période de la résistance où Cara Quemada y participa, mais il est certain que c'est à ce moment-là qu'il fera ses armes en termes de sabotage et d'utilisation d'explosifs. Dès la fin de la guerre, Cara Quemada vivait en France, sous la fausse identité de Ramón Laugi Pons. Il avait repris la lutte antifranquiste en Espagne. Spécialiste en explosifs et guide expérimenté, il allait pendant 18 ans conduire et ramener les groupes d'action du mouvement libertaire espagnol, et en particulier ceux de Francisco Sabaté Leopard, dit Kiko, de Marcelino Massagna Bassel Poncho, tout en menant parallèlement un grand nombre de sabotages. Et on marque une pause musicale avec Fetus, à ne pas confondre avec le groupe Fetus australien. Ici, c'est un groupe de Barcelone. On écoute un titre en hommage au maquisard anarchiste Kiko Sabaté. Le titre, c'est Romanzo d'en Kiko Sabaté. És la història d'un viatge, el seu viatge al darrer, el d'un maqui llegendari, el d'en Quico Sabater. Darrers dies de desembre, 1959, travessaven la frontera, eren cinc homes i prou. I en venien de Costoja, van passar pel lloc normal. La taverna de la Muga és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribelles, i després Sant Bernabéu, vorejant el Bassegoda, Això fou un greu oblic. Un carter rural passava, buit a l'ombra i força hostil. Mig fent l'orni corre el poble i avisa els guàrdies civils. Quan arriba la parella, ve la sorpresa i la noig. Quan parla un cau ferit i l'altre fuig. Però els maquis també han rebut, perquè en Quico Sabater té una ferida a la cama més dolenta no pot ser. I marxant a córrer cull del banc del dret esponellà, on borrant la vigilància ja travessa el Fluvià. I després deixen Banyoles i Palol de Revardit, fins que arriben a la mota emparant-se en la nit. Banda dret al Mascarà, conegut anteriorment, tot i que ara hi viu gent nova, també es dona acolliment. Quan els vells de la Masia a l'hostal van a comprar més menjar del que solien, amb això es van delatar. Sóc el tinent. Passa el Ter, passa Girona, com va fer-ho no s'entén. Amb la cama malferida, però Fornells se salta en tren, obligant la punta d'arma a no aturar-se sempre avall. Si el Montseny pot acostar-se, serà un bon amagatall. Juste avant la pause musicale, je vous ai donné quelques points de repère sur la vie de Cara Quemada, pour situer un peu le personnage. Mais le livre retrace essentiellement la période de 1945-1963, à savoir l'époque de la résistance anarchiste contre la dictature militaire du général Franco, et là plus particulièrement dans les Pyrénées-Orientales. Et là, je me permets une petite digression. Il faut bien resituer le contexte historique. Entre 1931 et 1936, la République est proclamée en Espagne. Suite à quoi, un coup d'état militaire est organisé par le général Franco en juillet 1936 contre la République. Face à cela, les ouvriers et paysans se révolteront. Cette révolte et ce début de cette révolution, essentiellement menée par les anarchistes, car oui, l'anarchisme était très important en Espagne, amène toute une série d'expériences et de tentatives révolutionnaires. On ne reviendra pas ici sur cette riche expérience, mais on voudrait rappeler quelques éléments défavorables au développement de la révolution. Car oui, il faut le rappeler, il y a le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, la non-intervention de la France et de l'Angleterre dans le conflit en Espagne. Puis d'autre part, à l'interne du mouvement social, il y a énormément de différences politiques entre les socialistes, les staliniens et les anarchistes. À l'intérieur même des anarchistes, il y a des différences notables. Et c'est bien logique. Tout le monde n'est pas d'accord sur toutes les questions cruciales. Je peux prendre deux exemples. Une des questions très tendues était la question militaire. Valait-il mieux s'organiser sous forme de milices ouvrières et paysannes de manière horizontale, comme ce fut le cas au début de la Révolution, en 1936, ou prendre une forme pyramidale d'une armée régulière avec ses hiérarchies internes, sa logique de front. Une autre question, fallait-il changer radicalement de système de production économique ou ménager la bourgeoisie? Bref, un sacré bordel et qui se discutait et qui se disputait dans les usines, dans les champs, dans les villages et les villes. Mais je m'arrête là, ce n'est pas exactement la séquence du sujet dont je vous parle. Là, on est après la Révolution, quand les franquistes ont conquis le terrain et chassé une partie importante de la population pour donner un chiffre. En février 1939, c'est aux alentours de 450 000 Espagnols qui s'exilent en France. Et une bonne partie se retrouve dans les camps fermés, dans des conditions effroyables, en plein hiver, sans quasi de nourriture, sans les soins médicaux, devant boire l'eau de la mer, encerclés par des barbelés. Des milliers de gens sont entassés dans des camps. Ce sera également le cas pour notre très cher Cara Quemada, qui, je le rappelle, s'évadera du camp d'Argelès-sur-Mer en 1940. Et donc, pour tous ces réfugiés en France, il y en a pour qui la résistance contre Franco n'est pas finie. Et donc, ils organisent depuis la France vers l'Espagne la résistance. Ces résistances vont se traduire par des actions, dont notamment des passages de frontières pour sauver des réfugiés politiques, faire passer des journaux, des livres, des machines à écrire, mais aussi des actions contre Franco lui-même, ou des tentatives d'action contre Franco, contre des infrastructures économiques, sabotage des voies ferrées, des pylônes électriques, dont Cara Quemada est devenu un vrai spécialiste. C'est surtout de ces actions dont le livre parle au travers de l'expérience particulière de Cara Quemada. Alors, en guise de conclusion, en français, il existe peu de documents sur cette période des maquis anarchistes. Cet ouvrage regorge de ressources et de documents d'interviews. On sent que les informations et les sources ont été recoupées pour être au plus juste de ce qui s'est passé. À la fin du livre, on retrouve une série de biographies très intéressantes des maquisards anarchistes moins connus. Et comme je disais, trois interviews de compagnons proches de Cara Quemada. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a assez d'éléments pour se faire son propre avis. Il est certainement intéressant de prolonger la réflexion. Tenez, par exemple, dans cette période de défaite, de recul et d'exil, qu'était-il possible de faire? Ou quelle était l'efficacité de ces actions? Ou quel était le rapport entre maquisards et population? Quel était le lien entre les différents maquis? La question de l'organisation de l'action individuelle ou par petits groupes? Ou encore, y avait-il des maquisardes? Quelle était la place des femmes dans les maquis antifranquistes? Alors évidemment, on n'est pas dans le même contexte. Les maquisards et les exilés avaient vécu des dictatures, une révolution, l'exil en France, l'invasion allemande, la résistance, la misère. Du coup, ce n'est pas à refaire l'histoire, mais plutôt humblement faire un bilan des points forts et des faiblesses. Ça n'a jamais rien apporté de rester soit dans la glorification, ou soit dans une posture critique nette plus ultra. Ah, et pour terminer, j'ai une dernière anecdote. Cara Quemada, comme d'autres, laissait des livres et des tracts quand il passait du côté espagnol dans les meules de paille des paysans, ou alors sur le bord d'un mur, il laissait des livres pour diffuser la propagande. Et donc, il y a une anecdote dans le livre qui raconte qu'une paysanne a reçu d'un guardia civil deux livres qui avaient été trouvés et qui avaient été laissés par le Cara Quemada. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aux distros ambulantes et aux livres qui circulent. Voilà, c'était la présentation de Cara Quemada sur les sentiers de la guérilla en Espagne, 1945-1963. Et voici le grand concours où vous pouvez gagner un exemplaire du livre si vous répondez à la question suivante. Par quel subterfuge Kiko Sabaté arrive à s'enfuir du village de Bagnolès en avril 1946 lors d'un périple des maquisards anarchistes où est entre autres présent Cara Quemada? Si vous avez la réponse, écrivez-nous un email à lapinothèque@riseup.net, lapinothèque@riseup.net, avec comme sujet concours radio. Je rappelle, par quel subterfuge Kiko Sabaté arrive à s'enfuir du village de Bagnolès en avril 1946. Et voilà, on se fait une petite pause musicale. Et en tant que président de l'Antifan Club de Gvas, je vous annonce un concert à ne pas manquer le dimanche 2 octobre au Magasin 4. Avec au programme Monde de Mer, une sorte de crust énergique qui déraille, et l'excellentissime Gvas, groupe Baraki No Wave Punk, on s'écoute Gvas, Bouquet Misère. Eh ben, je vous parlais de Monde de Merde qui joue avec Vass le 2 octobre au Magasin 4. On s'écoute un titre avec d'abord Le Grand Détournement, extrait du film qui a inspiré le nom du groupe, puis le titre No Man's No. Ça va bien, monsieur Abitbol, vous avez passé une bonne nuit, sans être indiscret. Au poil. Et t'es pas indiscret. Je suis majeur et je fais ce que j'ai envie de faire avec mon petit corps. Dites-moi, pendant que je vous tiens là, ça veut dire quoi, monde de merde, sans être indiscret? Tu travailles il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire, monde de merde. C'est pas que t'es indiscret, c'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Ils sont avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débecte. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Non. Tu t'intéresses pas à la politique? Bah, tu devrais. Il faut se mettre au travail. Afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Alors regarde plutôt la route. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde. Docteur. À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Distrolapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Distrolapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. La Distrolapinothèque, c'est les derniers mercredis de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radio-libre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons.